Laissez tomber les mecs, le sud reste le best. Les putes testent mais reste à terre. Je rappe et je suis un prestataire. Toujours cool, toujours clean. J'ai le rap qui plaît à ton père. Toulouse drôle, Toulouse lean. Le sud est la passe de la terre. C'est le son des mecs, vrai, pas ceux des proxénètes. Hey, ceux qui sont propres et nets, qui ont la démerde dans les gènes. Hey, je suis pas conventionnel, j'ai le son ascensionnel. J'ai le flow, le reste n'est que personnel. Le but c'est d'être millionnaire, la musique reste secondaire. Les études c'est ma terre primaire, ton oseille c'est ma serpillière. C'est pour les mecs frais du Capitole à Sesquière. De Marseille jusqu'à Étiel, je te parle comme à mon petit frère. Le sud reste le best dans ce domaine, tu m'as claqué. Sur ce sud reste le best dans ce domaine, tu m'as claqué. Le sud reste le best dans ce domaine, tu m'as Ne sais même pas de le faire, car le sud le fait mieux. Le fait mieux. Ne sais même pas de le faire, car le sud le fait mieux. Le fait mieux. Ne sais même pas de le faire, Le sud le fait mieux. Le sud le fait mieux. C'est le son des dingues, gros 4x4 et rodéo. Grosse frappe, grosse arnaque, grosse liasse pour les gros escrocs. Gros cash, grosse biatch, ou trop fat, mais qui ont trop les crocs. De 3 packs, de 3 jack, trop d'herbe et de hache dans le cerveau, frérot. Mon équipe veut voler haut, on joue pas le 0-0. On débarque, on te claque, on ébarge, on t'éclate le nez comme un Raidero. Les gars, vous parlez trop, et moi je pense aux euros. Comme les kids et les go, ils citent tous les go, on fait que du travail de pro. Tu voudrais le faire, mais le sud le fait mieux. Fais pas trop le fier, ou tu restes à terre, faut que t'évites la guerre, tu te fais vieux. Tu comprends plus rien à yeux, on balaye ton rap poussière. On roule en tête, faut que je te le répète. Le sud le fait mieux. Je viens du sud brûlant, sud puant, sud brillant, sud chaud. Du sud brûlant, sud puant, sud brillant, sud chaud. Du sud brûlant, sud puant, sud brillant, sud chaud. Bien sûr que t'es dans le sud, les gens sud dans ma zone de turbulence. Ne sais même pas de le faire, car le sud le fait mieux. Le fait mieux. Ne sais même pas de le faire, car le sud le fait mieux. Le fait mieux. Ne sais même pas de le faire, Don Joe Axo prend baba pour le mic pour représenter le sud. Et pas à rafale pour des mecs qu'on a dalle et qui ne baissent pas la pute. J'en ai marre de t'attendre dire que t'es le baisse. La laisse que t'as au cou, tout le monde sait qu'elle porte mon adresse. J'te baisse, toi qui croyais que le sud-est et l'ouest ne savait rapper que des SOS. Écoute mes prouesses, j'entends à la tournée en boucle dans toutes les caisses. Envoie même du reggae, j'te prouve aussi que j'y suis à l'aise. C'est un soprano, la pleureuse. Je t'es parti voir un psy pour pouvoir être heureuse. Il est à la bien sûr du funk. Sur un piano où tu crunches, t'as l'impression de voir un dunk. Ouh, des vitres ridiculisées comme Eric Méguisé. Glisse où tu sais, s'en prend baba encore plus fâché depuis. A pris l'Elysée, misé sur notre accent où il sait. Vite le drapeau blanc car le rap du sud est colonisé. Ne sais même pas de le faire car le sud le fait mieux. Le fait mieux. Ne sais même pas de le faire car le sud le fait mieux. N'essaye même pas de le faire. Le sud le fait mieux.